marque une brosse, c'est leur dont elles sont craquer ta salle, mat la prod, fini le doute, elles songent, braquer ta scène rap. Tant comme pour ma femme, je viens voler ce qui m'attire. J'ai pour moi l'œil, je suis infâme, j'arrive sur voler comme un tube. Seul devant tout ce monde, dès que ça descend doucement, on en peut se faire en 10 ans, tu peux en prendre 10 en 12 mois. Pour les classes, moi et noyé, comme nos darons, darons voyage, ardoyer, boyer. Moulin Royal, Taraway, wesh. Les allumettes font les feux de forêt, je vois les timbres. Je veux le cache par la lumière, je conduis ou vois les phares éteints. La nuit des malheurs apprends, je danse, putain de bras les rampants, je transpire, mais le rap, elle rentre dans le pont. J'ai dans le malheur ambiant, je danse, monte la basse. Je tiens le mic comme mon pète, comme quand t'as plus de 12. Qu'est-ce là-bas, comment je chatte mon père, comme quand je tiens plus de bout. On se verra comme un thé, y'a des thés, l'enfer à ma table. On se fait rare comme un thé, moule, sourire de ma femme à ma table. On fait le mal quand on se légère, insomniaque, sommeil léger. 11 mois qu'on porte nos peines, 2 semaines au soleil légère. On garde un œil sur la montre, l'autre garde ses rêves dans l'abri. On a fait le cœur sur la main, on a mis le poing serré dans la brique. Sous la lune, une dernière latte, un soleil caché. Le temps passe et laisse place à l'épaisse brume. Une dernière latte, dernière bouffée, jeunesse cachée. Fuis l'impasse, les yeux noyés ne se baissent plus. Geste fort, j'suis pas prêt de lâcher, avec ou sans méga. Pousser fort, c'est d'agir, à rester sur mes. Sur la route, j'suis pas prêt de lâcher à 200 sans écart. J'm'attends de force et d'agir à double sans égard. J'reste fort, j'suis pas prêt de lâcher avec ou sans méga. Pousser force et d'agir à rester sur mes gardes. Sur la route, j'suis pas prêt de lâcher à 200 sans écart. J'm'attends de force et d'agir à double sans égard. Coup de frein, j'suis à fond, j'écoute vos sons, ah frère, c'est trop la honte. J'ai capté depuis longtemps, j'remonte la route, des promesses à la ronde. J'descends dans la zone, ça pulse de deux, et que t'as la bombe. Beaucoup dans l'attente, y'a plus qu'un pas, j'coup de feu à la tour. J'essaye tout, des fois j'rappe, des fois j'chante, ça dépend des gars. J'mets trop le feu, même quand j'chante, j'suis plus sincère que tous les gars. Car j'm'étouffe, ouais j'm'étouffe, j'm'en fous qu'on me foute dans toutes les cases. C'est ton frère, mais t'as des doutes, quand t'as plus de frère, le doute c'est gras. Longtemps que mon cercle, j'ai des limites, pour peu de choses on t'élimine. Y'a tellement de femmes à se faire, mais tellement de fer pour te rappeler tes limites. Nique sa mère, la félonie, même un peu on fait néné. T'as cru baiser la vie, mais la vie de baisse, ça t'as millénaire. On booste, on met la gomme. J'serre mon chef et j'tousse tous, j'rêvais de changer la donne. On partage tous et tous, tous, la mentale est la bonne. Dans 10 palais, c'est tout, tout, le bout du chemin, c'est l'album. Chante un tombe, c'est gras, sombre, attitude additive. Ah, le temps passe, c'est con, sale, vieux démon à minuit. J'ai 1000 répondeurs sans réponse, là, attitude additive. Le temps passe, ah ouais, c'est semblable, vieux démon à midi, j'termine, c'est béni. Sous la lune, une dernière latte, un soleil caché. Le temps passe et laisse place à l'épaisse brume. Une dernière latte, dernière bouffée, jeunesse cachée. Fuis l'impasse, les yeux noyés ne se baissent plus. Geste fort, j'suis pas prêt de lâcher avec ou sans méga. Pousser fort, c'est d'agir à rester sur mes gardes. Sur la route, j'suis pas prêt de lâcher à 200 sans écart. J'm'attends de force, c'est d'agir à double sans égard. Geste fort, j'suis pas prêt de lâcher avec ou sans méga. Pousser fort, c'est d'agir à rester sur mes gardes. Sur la route, j'suis pas prêt de lâcher à 200 sans écart. J'm'attends de force, c'est d'agir à double sans égard.